Je suis Lia et vous êtes les bienvenus sur Radio Guémozo. Il est midi 7, très précisément. Nous ne sommes presque pas en retard aujourd'hui. Nous tenons à le dire. Nous sommes en direct dans cette émission, l'odeur du son, comme tous les lundis. Je suis ravie de te retrouver, auditeur. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Dom de la gastronomie à Dom qui fait venir dans nos studios Ambre et Cola. Bonjour à tous les trois. Comment ça va? Bonjour à tous. Ça va super bien. Merci. Super. Salut, nickel. Impec. Eh ben bonjour, bonjour à tous, ouais, c'est cool comme à lundi, et je suis presque pas en retard par rapport à mon habitude, donc incroyable. Ça va, je respecte le timing à 5 minutes près. Eh ben c'est parfait, de retard merci. Bien sûr. Ah oui, t'as un timing de retard. Ouais, voilà, d'accord, ouais. Okay. Ouais, toujours. Merci. Comme l'Ibresso, un quart d'heure un peu. Voilà. Ok, ça marche. Ambre et Cola, vous venez aujourd'hui eh bien, nous parler d'une future expérience incroyable à laquelle vous allez participer. Merci beaucoup, Dom, de nous avoir mis en contact. Comme une fois tous les 15 jours dans cette émission, tu m'amènes du monde. Ouais, eh ben écoute, ouais. J'ai pas mis en contact, c'est plus eux qui sont venus. D'accord. Moi qui allais chercher. D'accord. Mais je pense que c'est ils raconteront, peut-être qu'ils diront comment ça se fait qu'ils se retrouvent ici, oui. Dans les Vosges, alors qu'ils n'habitent pas ici. C'est vrai. J'ai prévu de te débaucher d'ailleurs. Ça t'intéresse? Ouais, ok. Ça marche, on va faire ça. Alors si ça marche, y a pas de souci. T'as un élément incroyable. Il faut que tu restes. Allez, tous les deux, vous partez bientôt au sein du 4L Trophy sous le numéro d'équipage 519. C'est bien ça? C'est ça. Waouh. Alors comment ça se passe tout ça? Vous partez quand déjà? Alors on part en février du coup 2022, et donc c'est précisément du 17 au 27 février. D'accord, parce que ça a été reporté, normalement vous deviez partir cette année, parce que voilà, il y a eu un petit décalage je suppose avec toute cette crise sanitaire que l'on connaît très bien et dont on ne va pas reparler aujourd'hui, merci beaucoup. Oui c'est sûr, mais du coup période d'examen oblige, vous avez dû décaler votre participation à l'année prochaine, c'est ça? Ouais, à peu près. Ça. On devait partir en février cette année. Et oui. Covid a bousculé un peu les choses. Et l'orga avait dans un premier temps décidé de le repousser. Oui. Ça tombait pas bien pour nous. Et puis finalement, ça s'est quand même annulé. Et puis on est là pour 2022. Ben voilà, super. C'était pas trop frustrant de pas partir cette année et de reporter encore un an de plus ici, un petit peu. Non, c'était bien pour finir de préparer pour partir. D'accord. Ouais, comme si on avait plus de temps. Ah, d'accord. Mais comment ça se passe quand on veut reporter sa participation à l'année d'après? C'est facile à faire, ça? Bah là, vu la situation sanitaire et tout ça, oui, ça a été assez facile. Ils nous ont directement proposé soit de décaler à la première phase, c'était, je sais plus, en avril. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'ils avaient recalé une première fois. Et si on voulait pas recaler, ils nous proposaient de reporter à l'année d'après. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Bah voilà, super. Avant tout, Ambre, Cola, en quelques mots, si vous deviez vous présenter, vous le feriez comment? Vraiment, en quelques mots. disons qu'on n'a pas 3 heures. Non, je rigole. Du coup, non, vas-y. J'ai étudiant. Ouais. Pour les deux aventuriers. Pour ma part, plutôt mécanicien. Et puis voilà, 21 ans, étudiant. Ouais, toujours à Montbéliard. On vient de Montbéliard, de l'UTBM. Ouais. Et puis on se lance dans cette aventure-là, donc humanitaire, pour tous ceux qui connaissent toujours pas. Toujours à la découverte de nouvelles choses. Ok. Ça, c'est quelque chose qui vous rapproche, en fait. Ouais. On va un petit peu planter le décor. Là, vous venez de Montbéliard. Oui. Eh ben, merci quand même beaucoup à tous les deux de venir de Montbéliard. On n'a pas l'habitude de recevoir des gens qui viennent de si loin. D'habitude, c'est plus des locaux. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on les aime bien, du coup, c'est pour ça. Ah, je comprends. Ça, je comprends. C'est gentil. Ambre vient de Bretagne et Cola du nord de l'Alsace. Voilà, donc rien à voir avec les Vosges. Ah ouais, rien à voir. Du coup, comment vous êtes arrivés jusqu'ici? Ben en fait, de base, on était allé voir des amis qui habitent à Ventron. Ouais. Et on est allé manger dans un kebab. Ok. Et en ce moment, on est à la recherche de partenaires pour nous aider à financer notre projet. Et donc, on a le réflexe de prendre toutes les cartes de visite qui présentent un email, en fait. Donc, nous, on prend ces cartes de visite et ensuite, on envoie plein de mails, du coup, aux entreprises. Et donc, on a tiré la carte de Dominique et c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Osgur, voilà, si tu nous écoutes, c'est chez toi, c'est grâce à toi. Ah, voilà. Ok. Le kebab de la Bresse. Ok. Donc, cette rencontre, elle s'est faite comme ça ? Ouais. Ok. Ouais, bah c'est ça. Après, Dom, il me dit, on s'appelle, le projet me plaît, on s'appelle, on se rencontre, et puis on est là, quoi. Ça t'arrive souvent, Dom, qu'on t'appelle comme ça pour... Non, pas souvent, mais là, c'était cool. Après, je me suis dit, je vais appeler les copains, comme je fais ici, hein. Donc, j'ai appelé Meuclé, Clément, la Broussette. Oui. Qui est venu aussi. Et après, je pense que c'est à vous d'en parler, hein, mais comme ça, au moins, Clément, il peut aussi s'associer un peu au projet. Mais qu'est-ce qui t'a plu dans le projet, toi ? Il n'y a pas de visuel, du coup, mais j'aime bien leur logo. Ok, on va en parler après. Parce que, voilà, je suis un peu fan d'ACDC, du coup, j'ai kiffé tout de suite. Ah ! Voilà. Après, je dis pourquoi pas, parce que je connais des gens qui l'ont déjà fait. D'accord. Il y a très longtemps. Et puis après, je les ai appelés. Moi, c'est beaucoup feeling. Oui. Feeling, ça me plaît ou ça me plaît pas. Mm. Et puis, bon, je les ai eu au téléphone, ça m'a plu. Ah, vous avez eu de la chance. Et puis voilà. Et puis, bon, voilà. Après, on va essayer de développer, faire un petit peu de com. Et puis, pouvoir plus s'investir un petit peu avec eux pour qu'ils puissent partir dans de meilleures conditions et avec aussi le matériel approprié. Bah, c'est un peu le parrain de l'histoire, en fait, ce Dominique-là. On peut parler vite fait de la recette du jour, quand même ? Ouais, on peut en parler, effectivement. Aujourd'hui, risotto. Risotto crémeux, je vais le faire en VG. T'as rien, puisqu'il y aura de la crème. Yes. Parce que tu ne manges pas trop de viande. Sinon, autrement, c'est lard. Lardon, c'est le menu du jour aussi qui est au rustique ce soir. Ok. Il y a les petits légumes de tatanate. Toujours un peu. Il y a des légumes aussi, du budget malin aussi un petit peu. Je vais faire un petit mix des deux, on va mettre ça ensemble. Génial. Et puis à voir, j'ai peut-être deux, trois trucs, de la salade, des trucs, enfin bon. Voilà. Mais la base, c'est ça, risotto. On est bichonné quand même ici, il faut le savoir. Merci beaucoup, Dom, comme tous les 15 jours. Merci beaucoup. Alors, on en parle de ce nom d'équipage ? Ouais, parce que vraiment, il déchire ce nom d'équipage. Ah oui, je vais vous laisser le dire. Alors, nous, on est l'équipage ADCB. Et en fait, c'est nos initiales à chacun. Donc, Ambre de la Mare et Collabower. Et du coup, ça nous a fait penser à CDC. Ouais. Donc, voilà. ADCB, Highway to 4L. Exactement. Voilà. C'est génial. Ouais, c'est un lien assez sympa. Ça plaît à pas mal de monde. Ouais, c'est cool. Donc, vous décidez de faire cette expérience-là tous les deux. On en reparlera tout à l'heure. Toi, tu as déjà participé, Cola. On en reparlera un petit peu plus tard. Comment s'est faite votre rencontre ? Voilà, vous êtes dans la même école d'ingé, là, depuis 5 ans, c'est ça ? C'est juste. Voilà, alors, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que j'ai des petits-enfants dans le studio qui ont fait déjà 5 ans de... Des petits-enfants, effectivement. Donc, voilà. Une petite parenthèse, juste, on peut peut-être inviter les auditeurs à aller sur leur page Facebook. Eh ben comme oui. Ça, au moins, ils seront peut-être plus une idée pourquoi je parlais du visuel, de leur logo. Oui. Comme ça reste de la radio, ce serait peut-être mieux, je sais pas. Il y a un nom, c'est quoi le nom ? Bah, si on tape ADCB Highway to 4L. Voilà. Et sur Instagram aussi. Ouais. Et de toute façon, on mettra le lien de cette page Facebook avec notre podcast, avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui, pour que nos auditeurs puissent aller sur cette page Facebook. Voilà. Il y a aussi une cagnotte Litchi, il y a plein de choses à voir. On en parlera tout au long de cette émission, pas de panique. Ok, je ne vous dérange pas plus. Du coup, vous vous êtes rencontrés tous les deux dans cette fameuse école à Montbéliard en Ingé. À quel moment vous avez parlé de cette expérience et vous vous êtes dit « Ok, on va faire ça tous les deux ». Ben, ça s'est fait plutôt après ma première expérience, mon premier 4L Trophy, donc il y a 2 ans. Et en préparant ou en arrivant bientôt au départ de l'émission, on m'a dit « moi aussi j'aimerais bien le faire ». Puis on s'est dit « ok, l'édition d'après, on part ensemble ». Super. Ok. Mais vous étiez proche avant ça? Je veux dire, vous étiez amis? Ou est-ce que c'est ça qui vous a réunis? Non, on était amis avant ça. D'accord. Mais c'est pour ça aussi qu'on voulait le faire ensemble. Mmh. Oui, je suppose qu'il faut partir avec quelqu'un de confiance. Ouais, c'est mieux. Quoi qu'on peut partir avec des... Ça se tente, une expérience comme ça, avec quelqu'un qu'on connaît pas du tout? Ah, mais ça se fait carrément. Ça se tente. Il y en a qui cherchent copilote, cherchent pilote. Génial. Génial. Donc, est-ce que vous avez de l'expérience dans la conduite, la mécanique? Cola, tu disais tout à l'heure, peut-être un peu côté mécanique, toi? Ouais, bah complètement. Là, rien que pour cette édition-là, la 4L, elle est partie de rien. Elle était destinée au stock car, donc à la benne. Et puis ça fait 2 ans que je bosse dessus dès que je peux, histoire de la remettre en route. Et là, on arrive au bout. Elle a fait son premier mètre 50 la semaine dernière. Génial. Puis ouais, quelques finitions, contrôle technique, donc ça va partir. Puis sinon, mécanique, ouais, toujours de le passe-temps, passion. Ok. C'est important d'avoir ces notions-là pour participer à ce genre d'expérience. C'est mieux. Maintenant, c'est pas nécessaire. C'est vu qu'on est plus de 1000 équipages. Ah oui. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a 1500 équipages, du coup 3000 étudiants qui partent comme ça à l'aventure. Ok. Il y a forcément quelqu'un autour qui s'y connaît et qui va s'arrêter filer un coup de main. Moi, je suis parti il y a 2 ans, il y avait des équipages, ils ne savaient même pas faire le niveau d'huile, et encore, c'est parce qu'on leur a montré avant c'est de partir. C'est pas vrai. Alors que ça reste des vieilles machines, donc faut se méfier. Mais non, c'est pas nécessaire, c'est toujours un plus. Ça permet de se sortir de galère ou autre sans trop perdre de temps ou le moral. Mais il y a moyen de s'en sortir sans aucune connaissance. Et d'ailleurs, il y a énormément d'équipages qui partent sans vraiment de connaissances et ils comptent sur l'entraide avec les autres équipages. Où ils font des petites formations mécaniques juste avant de partir, histoire d'avoir les bases quand même. Super. Toi, t'es rassurée du coup? Ah bah oui, parce que moi, je sais rien faire en mécanique. Mais peut-être qu'après cette expérience-là, tu sauras faire plein de choses. Peut-être. Alors, c'est toi le pilote, Cola? Ouais, c'est juste. Ok, Ambre copilote, c'est forcément. Ça. T'étais déjà le pilote la dernière fois? La dernière fois, on échangeait pas mal les rôles. Officiellement, je suis parti copilote. Ok. Mais l'idée, c'était de se partager les rôles. Ok. Et j'ai fini par plus rouler, mais plus parce qu'on avait des soucis mécaniques sur l'ancienne 4L qu'il fallait éviter. Ok. Ça frissonne chez Dom. Est-ce que vous allez aussi échanger cette fois-ci? C'est prévu que tu pilotes un peu? Oui, je pense qu'à un moment donné, on va échanger les rôles. Dans le désert. Ouais. Dans le désert. Ça marche. Ok. Avant de se lancer encore plus loin, dans cette super expérience que vous allez vivre et ce sujet incroyable que nous explorons aujourd'hui ensemble grâce à toi, Dom, et puis à vous deux. Merci beaucoup d'être là dans nos studios. C'est le moment où je sors mes disques chouchou. Alors, j'ai sorti du son vintage pour cette première partie. J'avais envie de voyage avec Desireless. Je sais pas pourquoi, voilà. Ça sent une petite danse, ça. De quoi? La petite danse. Oh non, c'est fini l'humiliation collective. Je dis non. Ensuite, ce sera Out of Touch de Dari Hall and John Oates. Voilà, c'est des vieux, vieux sons, mais c'était mon petit coup de cœur du week-end. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. We'll Et voilà un petit son vintage sur Radio Guémoz. On est toujours ensemble dans les studios avec Ambre, Cola et Dom de la gastronomie Adom qui commence à donner une très très bonne odeur à nos studios comme une fois tous les 15 jours. Hein, dis, c'est vrai. Ouais, carrément. Hein, voilà. Et encore là, t'as rien vu. Hein, Dom? Non, ouais, c'est le risotto, ça. Ah, voilà. On parle aujourd'hui du 4L Trophy. Alors, bah, je vais reprendre un petit peu le dossier de presse que Ambre m'a gentiment passé pendant cette musique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore dans les grandes lignes, ce trophée, il a été créé en 97 et il est devenu le plus grand raid humanitaire d'Europe, tout de même. Parce qu'il en existe d'autres. Pourquoi avoir choisi celui-là ? Oui, il y en a d'autres. Oui, je dirais que c'est le plus emblématique. Ok. Parce qu'il y avait une 4L, peut-être. Ah, bah, peut-être aussi. Ouais, aussi. C'est vrai que ça aide. La 4L, c'est sympa. Et puis, c'est un raid spécialement étudiant. Oui. Donc, ça donne aussi une ambiance qui est sympa et qu'on peut faire maintenant, qu'on ne pourra plus faire plus tard. C'est vrai. Donc, parce qu'on ne peut participer que jusqu'à 28 ans. Ouais, c'est ça. Et il faut être étudiant. Voilà, étudiant théorie, de 28 après, ans. Ça se négocie. Ça se fait. Bon, c'est râpé pour nous, là. Faut qu'on en trouve un autre. Je suis monté dans le coffre après. Dans le coffre ? Je pense que toi, tu seras plutôt un jury, quoi. Toi, tu peux y aller pour faire à manger. Bah voilà, je ferai des interviews sur place et puis c'est tout. À la base, il y avait seulement 3 équipages qui prenaient la route en 98, hein, lors du premier raid. Aujourd'hui, il y a environ 1500 équipages chaque année. C'est incroyable comme ça s'est démocratisé cette histoire. Il y a environ 6000 km pour relier la France et le Maroc en passant par l'Espagne. Le tout à bord de la mythique Renault 4L. C'est chouette ça. Un grand mot, c'est l'entraide, c'est ça. Voilà, c'est ça qui vous motive vraiment ? Ouais, bah, comme on le disait avant, c'est toujours chouette quand on voit des équipages ou n'importe qui dans la galère de pouvoir aider. Et puis ça fait des sourires, tout le monde est content, tout le monde y gagne, on rencontre des gens. Puis le soir, ils essaient de nous retrouver, nous payer un coup pour nous dire merci. Ou c'est toujours une ambiance super sympathique, des beaux échanges. Super. Bah justement, tu avais donc déjà participé il y a 2 ans, c'est ça ? Ouais, ouais. Ok. Pourquoi t'as décidé de le refaire ? Bah parce qu'on m'a demandé de le refaire. Ok. En fait, c'est pour repartir avec Ambre. Sinon, je serais peut-être parti sur un autre rallye humanitaire dans le même genre, peut-être avec une autre voiture. D'accord. Et genre, t'as déjà une idée ? Genre, il y a le 205 Africa Red. Genre, en 4L, on peut faire le 4 Alpes. Donc, c'est ça, plus rien d'humanitaire, mais c'est un rallye dans les Alpes entre jeunes la plupart du temps. Ok. Je trouve que vous êtes un peu exclusif entre vous, les jeunes, là. Hein. On peut ouvrir à d'autres... Ah, on gère pas l'orgueil. Ok, donc toi, t'es un vrai aventurier dans l'âme, quoi. Bah, dès qu'il s'agit de mécanique derrière, ouais, clairement. Ok, super. Est-ce que cette première... Question rhétorique, mais est-ce que cette première expérience du 4L Trophy de la dernière fois, il y a 2 ans, elle va te servir lors de cette prochaine édition que tu vas faire avec Ambre ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être différentes pour toi ou tu vas... amener différemment les choses, justement. Ouais, bah tout à fait. Bah, déjà éviter les galères qu'on a eues il y a 2 ans. C'est-à-dire, on veut des anecdotes. Non, mais le temps de l'émission ne suffira pas. Là. Le souvenir le plus fou. Bah, le plus fou, c'est notamment le départ qui là sera le 17 février. On est parti de Biarritz, ouais. Tous ensemble, donc tout l'équipage. Et puis on avait 2 jours pour se retrouver au bateau au sud de l'Espagne, à Algeciras. Et la fin de la première journée, on avait complètement cassé le moteur, en fait. Moteur qu'on ne trouve pas en Espagne, qui n'a pas existé. Donc, il fallait retrouver un moteur, retrouver un moyen de rentrer en France, de le changer et de redescendre. Le tout dans les 2 jours, on a un peu galéré. Ouais. Et ça s'est fait. On a trouvé un gars qui nous a refait le moteur dans la journée. On a... durement négocié avec l'assurance pour remonter jusqu'à la frontière et aller se débrouiller après pour changer le moteur. On l'a changé dans la nuit et on est reparti à fond. C'est incroyable. Donc ça fait des super souvenirs. Mais si c'est un stress qu'on peut ne pas avoir cette année, ça serait cool. J'imagine. Mais en même temps, tu puises en toi dans les ressources. Parfois, on vit des expériences comme ça très fortes et on se dit « Ah, purée, si ça m'arrivait, je ne serais pas capable de réagir. » Mais au final, ouais. Là... on se rend compte qu'on peut réagir face à certaines choses. Et... ouais. Faut tout de suite prendre les choses avec le recul. Ouais. Parce qu'au final, tout s'est bien passé. Donc, c'était que des bonnes choses. Si ça ne s'était pas passé, ça aurait fait moins de souvenirs, moins d'aventures. Mais bon, comme je dis, si cette année, on peut régler les problèmes des autres plutôt que les nôtres, ça peut être bien. Ah, c'est cool. C'est cool. Qu'est-ce que tu as vraiment retenu de cette première expérience? C'est quoi la première chose qui te vient? C'est pour moi les paysages, c'est tout ce qui est marocain ou maghrébin, je connaissais pas du tout, ouais. Ou d'autres reportages ou du Paris-Dakar de l'époque, hein, ces choses-là. Mais c'est complètement fou. On tombe, c'est désertique, parfois des vieux lacs asséchés où on voit rien, c'est tout plat, tout sec. Et puis d'un coup, on se retrouve dans une palmeraie, donc plutôt humide. Ouais. Et on a vu de la neige, on était à l'Atlas, on a vu un tas de trucs, c'était fou. De pouvoir discuter avec les populations plutôt dans les petits passages dans le désert, c'était aussi formidable. Ça change de ce qu'on a pu découvrir, bon, que je connaissais pas non plus, mais de Marrakech ou des grandes villes, oui. Où on est plutôt resté dans ce qui est touristique. C'est pas du tout la même ambiance et c'était super chaleureux de rencontrer la population vraiment du milieu local, marocain. Quoi. Ouais. Une journée type sur le 4L Trophy, c'est comment? C'est un réveil difficile. Toujours sur les mêmes sons qui, au début, sont sympas, à la fin, nous rappellent qu'il faut se lever, c'est fatigant. Oui. Préparation, après, ça dépend où on est par rapport à la semaine du 4L Trophy. Puis souvent, c'est le plus intéressant, on va dire, dans le désert, c'est une boucle dans le désert typé un peu Dakar dans ces jours-là, oui. Avec un roadbook pour le copilote. Des routes dans les dunes, dans les caillasses, dans ce qu'on peut trouver. Donc la découverte vraiment du désert marocain. Une autre chose qui est sympa sur une des journées, c'était décharger tout le matériel qu'on a ramené, tout le matériel scolaire qu'on cherche, éducatif, tout ça qu'on peut leur ramener, tout déposer, voir certains enfants qui sont venus regarder justement la décharge et la récupération du matériel par l'association Enfants du Désert. Enfin, voir le regard, c'est sympa. Puis le soir, on se retrouve tous sous des draps, bonne bouffe, bonne couscous, tout ça. Et puis la fête le soir, et puis on recommence le lendemain, quoi. Tu voulais dire quelque chose, Dom? Ouais, je voulais dire. Vas-y. Carrément. Non, justement, il a parlé de récolte pour les dons, oui. Pour les enfants. Ouais. Donc du coup, s'il y a des gens qui ont des choses à donner, ils peuvent toujours aller déposer des choses à l'estaminet à Vanier. Ok. Qui les récupéreront et puis qui leur donneront l'heure du départ. Ok. Donc, je sais pas, après, à vous dire ce que vous préférez. Oui, parce que des choses à donner, ça. Ouais, c'est parce que c'est une 4S, c'est pas non plus. Ah ouais. On peut prendre une remorque ou pas? Quand même pas. On peut, mais ça va pas être pratique. Non, on prend tout ce qui est, ce qui est sportif pour les jeunes, donc que ça soit une balle de foot ou peu importe, des chaussures, des vieux habits. D'accord. Et ce qui est plutôt éducatif. Matériel scolaire, ouais. Éducatif. Les classeurs, ils en demandent pas trop parce que je crois qu'ils en ont déjà un bon stock, mais tout ce qui est cahier, stylo, ok. Papier, tout ça. Ce qui traîne. Ce qu'on avait tous dans les tiroirs quand on était à l'école primaire, tout ça, et dont on sert absolument plus. Oui. Tout ça, on peut amener et puis donner. L'estaminet à vanier et le rustique. Rustique aussi. Ok, le rustique, ah oui. L'estaminet à vanier, auditeur, si tu as envie de participer peut-être à ta façon à ce 4L Trophy et voilà, permettre à Ambre et Cola de pouvoir déposer tout ce matériel, eh bien tu sauras comment faire. Ambre, ça faisait déjà plusieurs années que tu pensais à participer à ce 4L Trophy ou pas? Oui, ouais, quand même. Je connaissais quelqu'un qui l'avait déjà fait et il m'avait donné son retour d'expérience. Il m'avait dit mais c'est incroyable, si t'as l'occasion de le faire, franchement fais-le, tu regretteras pas. Et donc moi j'étais partie dans l'optique que oui, un jour je le ferais. Après je savais pas avec qui, mais du coup j'ai trouvé mon binôme. Et Cola est arrivée. Voilà, c'est ça. Est-ce que t'avais déjà participé toi à d'autres expériences un peu aventures comme ça? Dans le style du 4L Trophy, non. Mais avec mes parents, on a pas mal voyagé en bateau. Ah ouais. Et on est allé dans des endroits, enfin des petites îles perdues au milieu du Pacifique où les populations n'ont même pas accès à l'électricité. Enfin, il n'y a rien du tout. Et du coup, nous, on avait, avant de partir, on avait fait le plein, pareil, de stylos, de cahiers, de choses comme ça. Et donc, quand on voyait des populations totalement démunies comme celle-ci, on leur donnait des affaires scolaires et tout ça. Et puis, les enfants étaient juste émerveillés de voir des stylos qui faisaient des paillettes, des trucs comme ça. Donc, ça m'a donné envie de continuer comme ça. Ok, donc la notion humanitaire, solidaire, ouais. Elle existe déjà depuis un moment chez tous les deux, quoi. Parce qu'on participe aussi à ce 4L Trophy dans ce but-là. C'est pas forcément que pour l'aventure et se retrouver. Oui, parce que quand même, le but principal de ce projet-là, il est quand même humanitaire. Voilà. Ouais, c'est le but premier. Après, ça permet de relier les deux. Oui, d'allier. Si c'est juste de l'humanitaire, beaucoup se lanceraient pas ou se donneraient pas les moyens. Alors que là, ça permet de relier de l'humanitaire, du plaisir d'un autre côté, de la découverte. Donc, ils ont réuni tout ce qui va bien pour faire tout ça. Super. Est-ce qu'on lit beaucoup de liens avec les autres Il est en train de baver. Cola, il a des gouttes qui tombent. Est-ce qu'on garde des contacts? Est-ce qu'on lit beaucoup de liens avec les autres équipages? Oui, clairement. Ouais. En cours de route, il suffit d'avoir un problème et puis de rester quelques heures à essayer de sortir de là avec d'autres. On rencontre plein de gens. Et puis aujourd'hui, je suis resté ami avec des gens du sud-ouest, de l'ouest, d'autres Alsaciens, forcément, vu qu'on a fait une bonne partie de route ensemble quand je partais d'Alsace. Et on se revoit de temps en temps, c'est chouette. Ouais. Ah, c'est cool. Alors, comment ça se passe, l'inscription? Voilà, on décide de partir au 4L Trophy. En tout cas, on a envie de participer à ce trophée. Comment ça se passe? Déjà, il y a une préinscription qu'il faut faire. Et puis... C'est en général au retour de l'édition d'avant. Il y a les préinscriptions qui ouvrent. D'accord. Et puis après, il faut s'inscrire réellement. Nous, il faut qu'on fasse ça. C'est fin d'année en général, novembre, décembre. Est-ce qu'il y a une sélection? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont envie de participer et au final, pas tout le monde ne part pas. D'habitude, non. Mais cette année, dû au report de l'année dernière, on a cumulé ceux qui devaient partir l'an dernier et tous les nouveaux qui veulent partir cette année. Ça fait beaucoup de monde et si je ne me trompe pas, ils ont créé une liste d'attente. D'accord. Qui n'y avait pas avant, quoi. Ouais. Ok. Mais après, bien sûr, il y a des conditions comme avoir son permis de conduire, avoir son passeport à jour et donc là, avoir le pass sanitaire. Ok. Avoir moins de 28 ans et c'est être ça. Étudiant. Ouais. Il y a d'autres choses? Non, ça va. Mais même être étudiant, il me semble que moins de 28 ans, c'est ok. Ça passe. Bon, on fera style qu'on a moins de 28 ans, Dom. Bien sûr. T'es chaud pour partir avec moi au 4L Trophy? Carrément. T'as réfléchi. J'ai réfléchi à celui-ci. Alors avec Mia, je sais pas. Mais en fait, si, il y a moyen. Il y a moyen. On pourrait partir ensemble, carrément. Ah ouais, t'imagines? Oh, ça ferait une expérience incroyable. Dom, tu peux partir en cuisine et lier à la radio. Il y a une radio 4L Trophy pendant l'événement. Mais génial. Ah ouais, carrément. Mais j'ai des questions à leur poser après, un peu au sujet communication. Et d'accord. Comme ça. Ok, tu nous feras ta petite liste de questions sans problème. Comment on se prépare en amont à ce 4L Trophy? Est-ce qu'il y a des choses à préparer avant de partir? Bon, je me doute de la réponse, mais je pose quand même la question. Déjà, il y a un budget conséquent pour pouvoir partir, qui tourne autour des 10 000 euros à peu près. D'accord. Donc après, ça peut être moins, ça peut être plus en fonction de nos attentes sur, par exemple, la 4L. Nous, on a mis un budget un peu plus important sur la 4L parce qu'on veut la garder pour après le 4L Trophy, rouler avec quotidiennement. Et donc forcément, on a mis des pièces de qualité dessus. Ouais, et puis elle repartait elle était destinée à la case, donc... Parfois, sauver une voiture, ça coûte plus cher que d'en acheter une en bon état. Alias Gisèle, c'est ça, si j'ai bien tout compris? Ouais, c'est juste ça. On l'a appelé Gisèle. Donc, tu veux continuer à rouler avec? C'est ça, Cola? Ouais, si on peut la tous garder après quelques années, et puis la garder dans l'association. On a créé une association avec un autre équipage, qui ne peut pas partir finalement, qui s'appelle Retro Humani Red. Oui. Et l'idée, c'est de pouvoir la garder pour faire d'autres alliés dans le d'autres aides humanitaires. Histoire d'après, de ne pas avoir un budget pour remettre. Mais elle doit morfler la 4L pendant le raid. Ouais, elle prend un peu. Bon, après, ça dépend forcément de comment on la roule, mais ça prend. Oui, parce qu'avec le sable et tout, j'imagine que c'est des pièces. Peut-être, t'as choisi les pièces en conséquence. Ouais, j'ai pas mal réfléchi là-dessus. Bon, après, on fait nos études en méca, ingénieur mécanique, donc on a peut-être un peu plus de facilité pour réfléchir à comment éviter certains problèmes. Mais il faut la préparer un petit peu, préparer un carter à mettre sous le bloc moteur, histoire qu'on ne vienne pas percer et perdre toute l'huile, préparer, puis emmener les pièces qui sont les plus susceptibles de casser forcément là-bas. D'accord. Ah oui, donc en plus des fournitures, il faut préparer son paquetage. Il y a des choses obligatoires d'ailleurs dans ce paquetage-là, dans le vôtre? Il y a deux, trois pièces de rechange, un extincteur. Ah ouais. Avant, il y avait une fusée détresse. Aujourd'hui, on est sur balise GPS, donc on prévoit avec ça. Il y a la petite trousse avec les antibiotiques. La trousse de secours. De secours, ouais. De quoi se désensabler. Donc, pelle et plaque de désensablement. Puis, Puis pas grand chose au final, après c'est vraiment à nous de choisir. Choisir ce qu'il nous faut. Quoi. D'accord. Vous êtes autonome quand même là-dessus, ou est-ce que vous êtes accompagné par l'équipe du 4L Trophy qui vous donne des conseils ou une liste de choses à avoir ? Il y a les listes obligatoires et toute une liste de conseils. Ok. Et puis, mais même sur place, au final, il y a un camion qui nous suit tout du long avec du matériel qui nous vendent. Mais voilà, et puis il y a toute une équipe de mécaniciens bénévoles qui nous suivent et qui eux passent bon, en général on rentre l'après-midi et puis jusqu'à 3-4 heures du mat ils sont encore en train de réparer les problèmes que certains ont eu. Oh la vache, ouais, c'est démotivé. En pleine nuit, en train de ressouder un châssis en milieu du désert. Non, mais c'est rallye, quoi. Ouais, non mais clairement, seulement voilà, c'est des mécanos d'expérience qui nous suivent avec du matos qu'on peut pas forcément, parce qu'on est un poste à souder en plus du matériel et de quoi, c'est compliqué, mais ouais, ça se fait. Ça te donne pas envie de faire ça comme métier? Bah, c'est pas un métier à plein temps. Si ça pouvait l'être, oui, clairement. Après, ouais, moi, je me destine assez à bosser dans le sport auto. Donc, c'est un peu les mêmes problèmes qu'on peut avoir. Bon, après, ça change, ça soit en rallye raid comme là ou d'autres choses. Mais ouais, c'est un métier qui me plairait assez. Ça fait une super expérience en plus de dire voilà, moi, j'ai participé à ça, j'ai réussi à me débrouiller tout seul. J'imagine que dans le CV, ça peut compter quand même. Ça peut compter. Tu veux faire quoi, toi, Ambre, plus tard? Bonne question. Ah, d'accord. Joker. Allez, on va se lancer dans mes prochains sons. Cette fois-ci, on n'est plus du tout dans le côté vintage, on est plutôt dans le côté contemporain. On entend la petite friture de Dom, là, ça donne envie, là. Ça cuit, Dom ? Ça cuit gentiment, les petits légumes. Super, on a faim. Ouais, ça va, ouais. 20 minutes. 20 minutes ? Ça marche. Allez, on écoute Snake Hips avec Troy Boy et Wex Taylor pour Very Danger et on se retrouve juste après. Better talk, money talk, bills talk, tick tock. Wristwatch, bling, blow, rap like it's Christmas. New pop on the block, teaching about a milli rock. You ain't getting money, why you looking? Huh? Boy, stop. I caught the wave, I caught the wave. I caught the wave, I caught the wave. I caught the wave, I caught the wave. I caught the sharks, I just swimming with the fishes. I caught the wave, I caught the wave. I caught the wave, I caught the wave. I caught the wave, I caught the wave. I caught the sharks, I just swimming with the fishes. Better talk. Money talk. Bills talk. Tick tock. Better talk. Money talk. Bills talk. Tick tock. Better talk, money talk, bills talk, tick tock. Wristwatch, bling, blow, rap like it's Christmas. New guap on the block, teaching how to milli rock. You ain't getting money, why you looking? Boy, stop. I caught the wave, I caught the wave. I caught the wave, I caught the wave. I caught the wave, I caught the wave. I caught the sharks, are they swimming with the fishes? I caught the wave, I caught the wave. I caught the wave, I caught the wave. I caught the wave, I caught the wave. I caught the sharks, are they swimming with the fishes? I caught the wave, I caught the wave. I caught the wave, I caught the wave. I caught the wave, I caught the wave. I caught the sharks, are they swimming with the fishes? Better talk. Money talk. Bills talk. Tick tock. Better talk. Money talk. Bills talk. Tick tock. Better talk. Money talk. Bills talk. Bills talk. Tick tock. Better talk. Money talk. Tick-tock. start right from the very beginning. What we're seeing in this life is hardcore. The daylights are weighed by a dark force. We protest as one clan and march forth. A little love and respect's all we ask for. These days streets just stay hot with this. Please take heed or stay watch different. Keep eyes peeled for big cops they bring. We stay deep from day to day. There is danger. Street surface working close to breeze for calm. Is that something in the air to coat your palate with a bit of taste? Make you scurry back to your home at a quicker pace. Cause in this dark age, evil walks are shifting faces. Usually spotted, though at times it can be hard to place it. I play the part of one who marks the pages. Scripted images of living on these streets full of ghastly wastage. There is danger, the warning signs are fairly major. Future of our clans in the hands of some scary strangers. New age slavers, plotting in attempt to tame us. Who wage slavers, have us chained up in heavy cages. But I'm a seasoned bright adult. Rhyme scheme devised, feeling like I was born descending. The base of freedom fighters about to leave my mark, stain on the face of sin. Walking with my game face on, now let the games begin. Outside, I can't forget about. So I spit on these beats so I can let it out. Let me tell you about that life you may have read about. And spell it out for any head who's never fed a mouth. I'm from a city where the streets are paved with many doubts. Sister weighs you down like the presence of a heavy cloud. I'm from a place where the press would rather see you drown. Friendly face, switch and take a life for less than 20 pounds. Some say it's just survival of the fittest. But you know this is as fuck when kids have rifles on their wish list. Try and fix it, you'll find that it's a sickness. If government's the tyrant, then violence is the slutty mistress. It's too twisted, these youths are too gifted. Sick to see the beautiful truth, youth is listless. Sick to see the future reduced to crude misfits. That's why I choose to move like a bitch. It's too quick. Voilà, on est de retour dans les studios de Radio Gamozo. Je les ai pris au dépourvu, là, moi-même, j'ai été prise au dépourvu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, après. Alors, il y a une association, on en a parlé vaguement juste avant, que vous avez créée, Rétro Humani Red. C'est ça, normalement, vous deviez partir à 4, finalement, ça se fait pas. Ouais, c'est ça. Mais cette association, elle existe quand même pour vous permettre de partir. Ouais, elle existe toujours. On bosse toujours tous les quatre à la source. Mais la deuxième équipe, elle pouvait plus partir par rapport aux nouvelles dates qu'il y a eu. Ok. Ça collait pas avec leur dispo. Ok. Du coup, ils feront peut-être ça plus tard. D'accord. Ok. Donc vous partez que tous les deux. Normalement, vous deviez partir tous les quatre en même temps. Ouais, c'est ça. Ça marche. Est-ce que c'est obligatoire de créer une association pour participer? Obligatoire, non. Maintenant, si on veut trouver des soutiens d'une boîte ou d'une autre, ça permet de donner un peu plus de crédibilité à l'équipage. Et, ouais, ça fait plus pro. Maintenant, c'est pas forcément nécessaire. Ok, donc c'est quoi le but de l'association? C'est de pouvoir un petit peu faire de la communication, d'être crédible, demander des choses, des partenaires? Ouais, c'est ça, tout à fait ça. Okay. Puis du coup, on est reconnu comme une association, oui. Douanise 901. Donc ouais, ça me permet de faire des partenariats, des choses comme ça. Dom, tu participes au don de fournitures? Au don de... Ah ouais, moi, ce que je vais faire, c'est pas les fournitures. Ah. Moi, je vais leur donner de l'argent directement, en fait. Ok. Comme ça, au moins, ils font ce qu'ils veulent avec. Enfin, ce qu'ils ont besoin. Super. Après, s'il manque des fournitures, ils achèteront les fournitures. Enfin, ils font comme ils veulent avec. Et puis voilà. Et puis, je pense que... C'est pour ça que je parlais avec Clément tout à l'heure. Oui. Parce qu'il a l'impression des sapins aussi. D'accord. Donc, normalement, il devrait s'investir aussi, justement, avec l'impression des sapins. Pour, je sais pas, c'est quoi? C'est un t-shirt? C'est quoi? Ouais, bah, il va nous filer un coup de main. Des t-shirts, ouais, c'est ça. Pour faire des pulls avec notre logo, avec notre nom, et puis potentiellement les quelques sponsors qui veulent être sur nos pulls. Ça marche. Ça, c'est un but aussi, c'est de trouver des sponsors, des partenaires pour financer ce projet-là. Et en retour, ils ont leur petit logo sur la 4L. Ouais, c'est ça. Ça permet de faire de la com aux boîtes du coin et puis de nous financer de nous aider, le départ. Ouais. Quoi. Ça marche, ça? Vous avez déjà du monde? On en a. Pas énormément, mais ça se fait doucement. Là, les quelques... Le financement qu'on a fait, pour le moment, c'est de la vente de vin d'Alsace. De la cave de Clébourg, donc on récupère les commandes pour eux et puis un petit bout. Ou la bière qu'on a fait brasser à notre effigie, on vend de la bière. Super, raconte-nous ça. En plus, tu as fait un stage dans une brasserie. Ouais, c'est là-bas que m'est venue l'idée de la bière. J'étais bossé en tant qu'ingénieur en stage dans la brasserie. Ah bon? Ouais. C'est quoi le rôle d'un ingénieur dans une brasserie? Ça m'intrigue beaucoup. Là, j'ai optimisé la ligne. J'ai fait un dossier pour fabriquer une machine pour pasteuriser leur bière. Donc, il y a de la mécanique en brasserie quand même. Ah ouais, ok. Et voilà, on a fait brasser une bière, une blonde, une bonne blonde. Et puis on a fait l'étiquette. Là, j'ai vu avec Antoine, un ami qui m'a filé un coup de main parce que en informatique, ou les logiciels, je ne maîtrise pas. Donc je lui ai passé mon idée, il l'a mis sur papier. Et puis ça a donné ces bières-là. Voilà, qu'on peut acheter pour vous soutenir, par exemple, entre autres. C'est ça. Nous, jusqu'à là, on les vendait plutôt qu'à nos proches ou autres. Là, il y a Thomas du Rustique à Rue qui en a pris. Ce qui fait qu'on en a plus et qu'on a relancé un nouveau brassin. Donc là, on recommande des nouvelles bouteilles. Super. Ok. Donc il y a plein de façons de vous aider, en fait. Ouais, oui, il n'y a pas besoin de nous donner que de l'argent, forcément. Il y a plein d'autres moyens de nous aider à financer notre projet. Par exemple, justement avec le bar Le Rustique, ils vont nous aider à financer notre projet en organisant des événements avec des concerts et tout ça. Et donc, les gens viennent, ils sont intéressés, ils nous aident. Il a prévu de faire un concert dans le 6 novembre pour nous aider. Ok, le 6 novembre. Où ça? À quelle heure? Avec qui? Du coup, c'est Rustique, à Rue. On dit bien Rue et pas Rupt. On dit Rue. Ouais. Mais t'inquiète pas, Lia, elle aime bien prendre les gens au dépourvu. Un peu comme ça, en mode tête en fait. Elle a bien raison. Et du coup, il organise un concert avec mix 100% vinyle. Plutôt génial. Punk, rock. Faut se noter ça quelque part, là. Le 6 novembre. Ouais, le 6 novembre, carrément. En soirée. En fait, c'est deux femmes qui mixent, sympa, cool. Et puis, normalement, je devrais venir faire à manger. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Normalement. Super. Parce que normalement, je suis la clé lundi, mais on fait des exceptions. Oui. Et puis sinon, je pense qu'il a tout dit, Eh ben, c'est bien. C'est à quelle heure? Jusqu'à mix, comment? C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Apéro. Ouais. Merci, Dom. C'est vaste, hein. Voilà. Oui, effectivement. Non, c'est parce qu'en fait, ça commence un peu plus tôt. Donc, je dis apéro, 19. Au coucher de soleil. Voilà, à peu près. Donc, il faut être là, 18h, 18h30, gentiment. Puis après, ça va se mettre en place tranquillement vers 19h30. Pour aller progressivement jusqu'à 23h, quelque chose comme ça. Ok. 22 ou 23, je ne sais plus l'heure de fin. Mais normalement, ça commence un peu plus tôt pour finir un petit peu plus tôt. D'accord, voilà. Ok. Donc je crois que sur les 22h, 22h30, on n'est pas trop mal. Impec. Voilà, vous pourrez retrouver Ambre et Cola et leur super projet de 4L Trophy. À ce moment-là, vous pourrez leur filer un coup de main. Ouais. On pourra peut-être acheter des bières à ce moment-là? Non, peut-être pas. Ouais, au bar. L'idée, c'est qu'on en ramène. Donc, si on a du bol, le nouveau brassin, il est prêt. Sinon, il faudra que je tape dans les bières qu'on m'avait réservées. Ah, bon, écoute. On verra ça. Puis, si on a du bol, la 4L sera prête, on descendra en 4L. Ah, génial! C'est ça qu'on veut, nous. Ouais, tu penses que ça sera faisable, ça? Bah, vous mettez de la pression, là, un peu. Non, bah, faut passer le contrôle tech, faire les papiers, ça prend un peu de temps. Maintenant, on va essayer. Parce qu'elle en est où, là, Gisèle? Bah, comme dit, elle a fait ses premiers mètres. Là, il manque quelques bricoles à fixer. Passer le contrôle technique et puis faire les papiers. Ok. Mais les gens peuvent voir peut-être sur votre Facebook l'évolution ou les photos peut-être. Ah oui, nous on a vu les photos, on a vu un peu l'histoire, donc elle part de loin. Ah oui, elle part de loin. Vous l'avez sauvée là, Gisèle. Hein. Ouais, bah clairement quand il y avait des trous dans le châssis bouffés par la roue et que maintenant c'est tout neuf, ouais, c'est plaisant à regarder. Ouais. C'est clair. Ça peut peut-être intéresser des gens qui voudraient aussi le faire. Et qui ne sont pas forcément mécaniciens. Ah, bah, s'il y a besoin de tuyaux en mécanique, ouais, pas de souci. Voilà, ouais, donc s'ils vont voir sur leur Facebook, peut-être ça peut aussi donner envie à des gens et puis montrer un petit peu comment ça se passe. Tout à fait. Puis même, il ne faut pas hésiter à nous écrire sur la page Facebook en privé. On se débrouillera pour répondre. Ah, ça c'est sympa. Il y a une cagnotte Litchi aussi où on peut vous aider, vous donner un peu de sous, peu importe le montant. Oui, c'est ça. Bah, elle est ouverte jusque presque le jour du départ. Ah oui. Et on donne vraiment ce qu'on veut. Il reste du temps, du coup. Oui. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais, et puis on proposait à ceux qui donnent d'écrire leur nom sur la 4L. C'est génial. Dans un coin où il restera de la place pour le départ, histoire d'être un peu avec nous aussi. Trop bien. Est-ce que vous avez aussi des aides extérieures, je ne sais pas, de la famille, des amis, j'imagine, qui se mobilisent un petit peu pour vous filer un coup de main? Ouais, bah, pas mal. Ne serait-ce que pour promulguer la bière ou enfiler à droite à gauche, ça fait toujours plaisir, ça fait un souvenir. Ça change des classiques t-shirts, porte-clés ou autre. Oui, stylo et tout, ouais. Puis la bière, c'est bien, hein. Oui. Puis sinon, ouais, bah, la famille, y a mon père qui m'aide pas mal en mécanique parce que je peux pas être à la maison tout le temps pour bosser dessus vu que je suis sur les lieux d'études. Mm-hmm. Donc il me relaie, il me file d'un coup de main. Ma mère aussi, elle a refait la sellerie de la 4L qui est juste formidable. Génial. Et puis, puis je leur prends un peu de place au salon. Au salon, oui. Il y avait les ailes, le capot au salon pendant un moment. D'accord. Ah oui, ça c'est sympa. Il y avait ça, il y avait le tableau de bord dans la chambre, il y avait les sièges. Génial. Voilà, c'était un beau bordel, mais. Super. Ils ont rien dit, ils sont gentils. Ah, big up. Et toi, Ambre, de ton côté? Moi, c'est pareil. Mes parents, ils m'ont beaucoup aidé aussi par rapport à leurs contacts, leurs amis et tout ça, pour faire un peu de pub pour nos bières. Pour la cagnotte et aussi mon père, il m'a aidé à trouver une cave du coup en Bretagne. D'accord. Qui s'appelle la cave des Jacobins, qui a 10 ans et qui va nous servir de point relais pour la vente des bières. Donc on va déposer des bières là-bas pour ceux qui veulent. Oui. S'il y a des Bretons qui écoutent. S'il y a des Bretons qui écoutent. On sait jamais. Ouais, bah oui. Et puis voilà, après, ouais, c'est ça, c'est plein d'amis qui vont nous aider financièrement et qui bruitent un petit peu notre projet pour trouver toujours un peu plus de monde à nous aider. Voilà. Ouais, et puis, on a fait rencontrer des nouveaux amis. Carrément. Ou d'autres qui nous ont aidés, ne serait-ce que à faire l'étiquette de la bière ou des choses comme ça. Alors, qui s'est occupé du logo et de l'étiquette, tiens? Le logo, c'est moi. Et l'étiquette, c'est un ami de l'école d'ingénieurs qui nous a aidés, Antoine. Il y a d'autres personnes là, que vous connaissez qui vont partir aussi dans votre école? Apparemment, il y a un autre équipage, mais on ne sait pas qui. Non. Donc, Y en a quelques-uns qui devaient partir, mais bon, qui sont soit pleinement partis en stage ailleurs ou en semestre d'études à l'étranger. Et bon, ça s'est pas fait à cause du Covid. Et cette année, je crois pas. Enfin, un autre équipage, mais qu'on connaît pas. Comment ça se passe pour concilier les études et ce projet? Ça, c'est pas trop difficile? Ça prend du temps quand même, surtout pour aller démarcher toutes les entreprises et tout ça. Bon, là, je le fais moins parce qu'avec l'école, on a beaucoup de travail, mais quand j'étais en stage, mes week-ends, j'allais voir les entreprises et tout ça, et c'est vrai que des fois, je me dis, bon, non, et puis, ça prend du temps. Pour le rallye en soi, le temps que ça prend, nous, ça tombe relativement bien dans le sens où on a, entre le semestre d'automne et le semestre de printemps, on a quelques semaines de libre. Et ça commence là-dedans. Et puis, semestre prochain, nous, on part en stage en entreprise, stage de fin d'études. Et là, on va voir pour décaler le début du stage, histoire de pas avoir un trou au milieu du stage pour partir au Maroc pour faire l'aventure. Il y a une adaptation quand même à avoir, quoi. Mmh. Ouais. Mais bon, voilà. C'est comme dans toutes les expériences de la vie, il faut faire des compromis. Ouais, faut voir un peu avec les gens de l'école pour que ça se fasse. Et puis, ça va se faire. Ça vous dit qu'on passe un petit son d'ACDC là, du coup, pour donner un petit peu. Bonne idée, ça. On est chaud. Il se réveille. Ça, j'aime bien ça. Je vais passer ça avant que j'arrive. Pas de soucis, je te prends, mais fais gaffe. Hein. Laquelle je passe? I will. Ouais. Ok, ça marche. Allez, on va faire ça en live apparemment. Je clique et on se lance ça tout de suite et on se retrouve juste après. Ah bah voilà, ça met dans l'ambiance, ça. Vous avez prévu de mettre du AC/DC à fond pendant le 4L Trophy? Bah, tout le long du 4L, je pense ouais, pas. Ouais, je pense que ça va se faire. Mais c'est vrai passage, ouais, quand même. On peut mettre de la musique ou faut être hyper concentré quand on pilote? On est plus là pour le fun, hein, donc. Oui, c'est vrai. Ok. Parce qu'on a parlé beaucoup du côté humanitaire, solidaire et voilà, de tout ce que ça implique de participer à ce 4L Trophy, mais il y a quand même le défi sportif. Non, ouais, on s'en fout tant, un peu. Pas tant que ça. Hein. Il y a un classement qui d'accord. se fait sur le nombre de kilomètres parcourus. Okay. Ce qui fait que, ben, en lisant le roadbook, si on voit qu'on va tourner trois fois à droite, ben, on peut couper. Mais bon, c'est un peu. Ah ouais c'est un peu assez risqué et péril parce que ça peut passer comme ça peut ne pas passer du tout. D'accord. Et puis on peut rester bloqué là. Donc il y a un classement là, mais honnêtement, il n'est pas vraiment joué. Ouais, c'est pas vraiment le but. C'est pas vraiment le but. Parce que c'est quoi c'est à la boussole. Enfin, comment vous faites pour. Ouais, bah on a la boussole, on a un roadbook, donc un oui. cahier avec. Oui. Puis dessus, il y a des dessins. Donc, genre quand à gauche, il y a l'arbre, à droite, le caillou. Bah, tu prends cap 70, donc tu tournes un peu et tu suis. Génial. Ou il y a des marques au sol. Où... D'accord. Ça, c'est plutôt dans le désert. Sur la route, bah, ça va être dessiné un rond-point, puis une flèche avec telle sortie. Tu vas par là. Quoi. Oui, c'est assez simple. Ça reste assez simple. Ok. T'es entraîné, Ambre, parce que c'est le rôle du copilote, ça. Non, je ne suis pas préparée, mais bon, ça ira. Hein. Est-ce que vous avez déjà roulé tous les deux dans Gisèle? Enfin, dans Gisèle, je me comprends. À l'intérieur de Gisèle. Avec Gisèle. Est-ce que vous avez déjà parcouru quelques mètres ensemble? Bah, pas encore. Pas avec Gisèle, puisque elle roule à peine. Mais oui. On a fait, je crois que c'était l'été dernier. Ouais, 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, on a fait un road trip en Écosse, tous les deux. Et voilà. Du coup, c'était cool. On a parcouru, ouais, c'était ça, c'était l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse. Et... Ouais. Génial. Non, 4L, bah, en 4L, elle a connu un peu mon ancienne 4L. Ouais. Qui à la fin me servait de camionnette, finalement. D'accord. Et la nouvelle, non, bah, la nouvelle, je l'ai cherchée tout seul. Donc, c'était la 4L du grand-père à une amie, donc, qui est décédée, qui s'en servait dans les champs. Et qui, bah, là, servait plus, passait plus contre le tech ni rien, commençait à être pourri. Donc, on l'a récupéré là, en mars, en avril. Ok. Voilà, à l'époque du premier confinement. D'accord. Et puis, comme dit, elle a fait ses premiers mètres oui. sous sa nouvelle forme la semaine dernière, le week-end dernier. Super. Donc, non, ça viendra. Mais t'es amoureux des 4L ou comment? Bah, des belles voitures en général. Et puis, celle-ci, bah, l'avantage quand on bricole sur une 4L, c'est que tout est simple. Donc, D'accord. Il n'y a pas d'électronique. Oui, c'est pour un mécanicien, c'est simple. Ça, on comprend bien, vite. Donc, ça, c'est sympa. Est-ce que tu as pu mettre un peu les mains dans le cambouis, Ambre? Un tout petit peu. Il n'y a pas très longtemps, on a passé un bon week-end chez Cola pour avancer au max la 4L pour qu'elle soit prête le plus tôt possible. Mais bon, c'est pas trop mon truc. On va dire. Ah, même chez le carrossier, elle a découpé l'aile histoire de l'élargir un petit peu. Ouais. Un petit peu. Un petit bout de toi quand j'ai même. J'ai apporté ma contribution, mais c'était pas grand-chose. Bah, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Dom. Allô. Ouais. Est-ce que t'as des questions à leur poser? Tu ouais, nous as ouais, dit. Ouais, carrément. Quelle question on vous a pas posée? Parce qu'en fait, c'est pas la première fois qu'on se voit. Et donc, c'est tout le monde pose toujours les mêmes choses. Ouais. Et j'aurais bien voulu savoir un truc que les gens ne vous posent pas, en fait. Les questions que quelqu'un ne vous pose pas. Alors, comme là, tu vas me dire, ouais, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que je vais lui dire? À quelle question t'aurais voulu répondre? J'ai une question pour Ambre. Je veux savoir, c'est quoi la première musique que tu vas mettre dans la voiture en partant? C'est bien, on va faire des questions comme ça à l'arrache, chacun son tour, parce que j'ai pas préparé, alors on va faire ça. Moi, je mettrais bien un petit coup de ABBA à fond pour changer. Pour changer. Ok, donc ça veut dire c'est le départ, quoi. Ouais. Ok. Il est content. Tu voulais. Je sais pas. Est-ce que vous allez apporter. Si vous deviez apporter un porte-bonheur, un petit truc, un petit gris-gris, ça serait quoi? Un cardan de rechange. Un quoi? C'est ce gris-gris du mécano, ça. Mais rapporter quelque chose du Maroc, c'est ça? Non, quelque chose. Un porte-bonheur. Ah, ça sera la prochaine question. Une de nos bières. Allez. Une bière. Une bière à partager. Qu'est-ce que vous allez faire en arrivant, la première chose que vous allez faire quand vous aurez, bon bah voilà, la traversée c'est fait, on est arrivé. Il y a un petit ouf, après ça redescend un peu. Et c'est quoi la première chose que vous avez envie de faire en arrivant là-bas? En arrivant au Maroc, sortant du bateau? Ou ouais, enfin après, bon, il y a des obligations, je pense, ouais. Forcément par rapport à la course. Mais au premier bivouac? Ouais. Je sais pas, sympathiser, ouais, avec un max de personnes. Parce que là, il connaît déjà, il sait, voilà, ouais, peut-être ouais. Que toi, tu t'attends à autre chose, Ambre, en arrivant là-bas. Et, non, bah, aller faire connaissance avec plein de gens ouais, qui viennent ça. De partout en France. Moi, le premier bivouac, c'était un peu compliqué parce qu'on est arrivé à la bourre, pas de par le moteur en vrac. Ouais. On est arrivé à la bourre, flingué, on n'avait pas dormi pendant 4 jours. Ouais, donc c'était un contexte un petit peu particulier. Mais ouais, là, si on peut prendre le temps et puis aller discuter un maximum, ça serait chouette. Hein. Et j'ai une autre question, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce que vous avez quelqu'un qui va parler sur votre Facebook pour raconter un petit peu où vous êtes ou comment ça se passe? Ou est-ce que, je sais pas, quand, ou est-ce que quand vous allez partir... Quand on y sera. Ouais. On ouais, prendra bah, un forfait nous. Marocain et on le fera. Ouais. Donc, du on coup, vous fera des petits lives. Ouais, voilà, c'est sur votre page. Ouais, ouais. Ouais, bon. Moi je me suis posé la question si on n'allait pas rattacher un compte Snap pour, enfin, au moment du départ. Ça n'empêchera pas de publier sur tout le reste. Bon, même sur Instagram, on met des stories, des trucs comme ça. Ouais. On fera des lives pour donc vous montrer comment ça se passe. La communication aussi ouais, à ce niveau-là pour l'organisation. Ouais. On d'accord. peut suivre la course aussi en direct sur le site officiel du 4L Trophy. Ouais, il y a un journal qui est mis à jour régulièrement, écrit. Et d'accord. tous les jours, si je ne me trompe pas, il y a un JT, ils appellent ça, où ils reparlent un peu de ce qui s'est passé. Dans la journée et tout ça. La ça, veille, je crois. Vous ouais. partagerez aussi, ou c'est possible d'y accéder? Ça, c'est possible d'y accéder, ouais, oui. directement sur, le YouTube, sur les réseaux du 4L Trophy. Et oui. puis, ouais, c'est vite repartagé pour y avoir accès. Ouais. Il y a un petit onglet course en ligne sur www.4ltrophy.com, tout d'accord. simplement. Voilà. J'espère que moi j'ai posé des questions que vous n'avez pas l'habitude de répondre parce que c'était un peu, je me suis dit, j'ai réfléchir quand même. Ah bah voilà. On pose toujours les mêmes questions en général. Ah non, mais là t'as fait ça. Ouais, oui, c'est bien. Bon, bah, c'est bien. Je sais pas, est-ce qu'il y a un vêtement qu'on doit absolument emporter avec soi quand on va faire quelque là, chose ça comme sera, ça? Ça sera les pulls de Clément qui va nous faire l'imprimerie des sapins. Ouais, super. Des pulls, des shorts, des t-shirts. De bonnes chaussures, j'imagine. Ouais, faut se méfier, il fait vachement froid la nuit aussi. Ah, c'est vrai que j'ai des pulls. Ouais. Ok. Est-ce qu'il faut quand même prévoir la crème solaire ou pas pour la journée? Oui, clairement. Clairement. Et si vous deviez ramener quelque chose du Maroc, alors, ça serait quoi? Du thé. Ah. Ok. On se donne rendez-vous pour boire le thé. Ouais, eh ouais ça, c'est carrément. Une idée, ça, se donner rendez-vous. Quand vous revenez, on boit le thé ici. On fait une expérience retour après. Ouais. Carrément. Ah bah oui. Ça, c'est chouette, ça, faire l'expérience retour tous les deux. Mais j'imagine que ça doit changer beaucoup de choses aussi sur la vision qu'on a du monde de participer à un trophée comme ça. Quand on rencontre peut-être les enfants, est-ce qu'il y a un vrai moment, en fait Non. Ben, pas trop. Mmh. Ça, c'est un peu ce qui me manquait sur le fait de décharger le matériel. Puis, en fait, on donne tout à une association qui, elle, redistribue. D'accord. Bon, c'est pas plus mal parce que ça évite les conflits. S'il y en a un qui reçoit quelque chose, l'autre pas, oui. ça, ils peuvent vite se faire taper dessus ou créer des conflits, comme dit. Oui. Et là, c'est l'association qui récupère tout et qui d'accord. réfléchit à où le déposer, comment, pour que ça soit le mieux réparti possible. Mm-hmm. Et du coup, on n'a pas eu trop l'échange avec les enfants. D'accord. Mais il me semble que depuis quelques années, on peut devenir, il y a quelques équipages qui peuvent devenir ambassadeurs, et donc de l'association Enfants du Désert. Et donc, au lieu de faire une journée de roulage, on irait aider l'association, que ce soit à construire tout ce qui est crèche, école, ou à distribuer le matériel, ou la vie de l'association, au final, là-bas. Okay. Ouais, et puis, ils nous proposent aussi de passer une journée, du coup, vraiment avec les enfants, à faire des activités avec eux. Ah oui. Ouais, faire des activités éducatives, tout ça. Vous allez le faire, ça? Je pense. Bah, on n'a pas encore eu les mails de proposition d'accord. de l'orga, mais si ça se fait de nouveau, il y a des chances. Ok, avec le recul, s'il y avait un truc fou que tu voudrais faire durant ce 4L Trophy, ça serait quoi? Est-ce que tu te dis, ah ça, faut vraiment que je le fasse? Ah, je ferais bien voler la 4L, mais après le temps que j'ai passé dessus, non. Non? Non, rien de particulier vraiment là-bas. Bah, tu nous diras ça au retour si jamais t'as ouais, fait un truc fou. Il y aura peut-être eu, ouais, mais... Non, j'ai rien en tête. Là. Et si, si vous aviez un mot à dire aux jeunes qui ont envie peut-être aussi, eux, de participer, mais je ne sais pas, qui n'arrivent pas trop à se décider? Moi, je discute beaucoup, même depuis le retour, à d'autres gens qui me disent « Ouais, mais ça a l'air trop bien. » En fait, faut s'inscrire, il faut y aller le faire. Ouais, mais j'ai vraiment pas de notion de mécanique. Ouais. Bah, comme j'ai dit, notion de mécanique, faut pas forcément en avoir. Faut juste pas avoir peur de demander un coup de main à quelqu'un d'autre. Et même en général, le coup de main, il vient tout seul, sans demander quoi que ce soit. Ça, c'est génial. Ouais. Faut vraiment se lancer, en fait. Faut se lancer et comme ça, après, au moins, on regrettera pas. Mais au moins, c'est vraiment une aventure hors du commun, donc autant la faire. Faut pas avoir peur dès le début aussi. Parce que les premiers pas, c'est de démarcher un peu, histoire de trouver le budget pour partir. Et au début, ça avance pas, quoi. Ça avance pas, on passe des heures et des heures pour rien, au final. Ça peut en démotiver certains. D'accord. Et c'est frustrant. Ouais. Mm. Mais bon, à la fin, ça donne quand même quelque chose. Et puis, c'est sympa. Donc, faut pas s'arrêter là, faut continuer. Oui, c'est un petit test de motivation, quand même, tout ça. Oui, c'est un gros test. Ouais. On en prend plein la gueule au début. Ouais. Mais c'est bien, ça forge un petit peu, et ça fait trouver en nous les ressources dont on parlait tout à l'heure, voilà, que l'on ne se soupçonne pas. On peut donc vous suivre sur les réseaux à travers votre page Insta, votre profil Insta, ADCB Highway to 4L, ou la même chose sur Facebook. Comme ça, on peut suivre l'avancement. Et puis, si on a envie de partager avec vous, de vous envoyer un petit message, de vous filer un coup de main, ça sera le moment. Et ça se passe aussi donc le 6 novembre au Rubstick Bar. On pourra vous retrouver. Ouais, carrément. Avec grand plaisir. J'ai pas demandé, est-ce qu'ils envisagent, bon, à mon avis, ils seront peut-être un peu fatigués, mais est-ce que le soir, par exemple, vous faites un petit live pour répondre aux questions? C'est des gens qui ont des questions à vous poser et qui seront sur Instagram ou sur Facebook. Ah bah oui, on peut le faire. Pas forcément le temps, mais je sais pas, c'est une question comme ça. Non, le temps, on le trouvera, je pense que c'est pas le souci, il faudra se mettre un peu à l'écart. Après, c'est plutôt une question technique qu'il faudra qu'on voit, parce que le réseau, partout dans le désert, même sur des forfaits marocains, il est pas toujours formidable. Donc, pas promettre tout de suite un truc qui peut-être marchera pas, mais si ça peut se faire carrément, avec plaisir. Ça serait génial qu'on puisse s'appeler tous les jours pour savoir où vous en êtes quelques minutes. Tu pourras faire un compte-rendu à la radio. Ouais. Ça serait trop bien, ça. On dirait du désert, l'IA. Ah, génial. Mais non, ça serait mortel. Il faut qu'on exploite cette piste, les enfants. Voilà. Les enfants, c'est mignon. Bah écoute, voilà, moi je me sens un petit peu vieille parce que je peux plus participer au 4L Trophy, donc je pense que je vais organiser un trophée pour les plus de 35 ans, parce que c'est comme ça. Interdit aux jeunes. Non, vous nous donnez tellement de joie de vivre, restez exactement comme vous êtes. Voilà, si on veut vous suivre, donc ça se passe sur Facebook et sur Insta. Si on veut vous rencontrer, ça se passe le 6 novembre au Rubstick Bar, grâce aussi à Dom. T'as encore quelque chose à dire, Dom? Non, ça va. On te retrouve où, Dom? On me retrouve ce soir, Rustic. Oui. J'ai remercié la Fouillotte pour les samedis. Ah ouais, à la brasserie La Fouillotte, c'est cool. C'était bien. Je dis rien, mais je pense que c'est les prochains qui vont venir. Ah. Donc voilà. Mais je dis rien. Donc non, c'est formidable. On fait ça avec Adrien de Green Burger. Ok. Qui fait des trucs formidables. Il a un food truck, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, il était au budget malin à Saint-Etienne et Remiremont samedi dernier. Samedi prochain, c'est moi. On alterne toutes deux semaines avec des cartes un peu différentes, des produits du coin au maximum. Et puis, on essaie de faire parler notre créativité. Voilà, c'est ça qui est bien. Génial. Non, j'ai rien à dire. Si, à midi, un petit clin d'œil quand même à Michael Coucheron, la ferme aux hirondelles. Parce que le pesto et les ours que vous allez manger, c'est lui qui l'a fait. Ah. Donc voilà, un petit clin d'œil à lui. Et puis sinon, courage au restaurateur. Mais oui. Voilà. Et puis, comme d'habitude, notre hobby, c'est le produit. Ah ben voilà, il a même le logo et tout, le jingle, impeccable. Merci beaucoup, Dom, en tout cas, de m'avoir permis de rencontrer en bricolage. J'étais ravie. Merci à eux, surtout. Ben oui, merci à vous d'être venu jusqu'ici pour nous parler de tout ça. J'espère que vous avez pu dire tout ce que vous aviez envie de dire. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter, un petit mot? Oui, ils ont faim. Ils ont faim. Ça, ouais, okay. Moi, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour de la question. Donc, Non, mais c'était un grand plaisir d'être ouais, votre invité aujourd'hui. Super. Puis, Une prochaine. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite à tous les deux? Bonne route. Ah bah, ouais. Bonne route. Je pense que c'est ce qu'il faut. Et j'espère qu'on pourra vous suivre tous les jours, j'y tiens. On essaiera. On essaiera. Si j'ai oublié encore un truc, je suis bavard. Aussi à Claudia et Nat, Tata Nat. qui m'a fait un super sirop à l'aurone. Donc du coup là, les oignons confits que vous allez manger, c'est des oignons confits à l'aurone. J'en dis pas plus. C'est quoi l'aurone ? Faut réfléchir. Ah d'accord. Voilà, Google est notre ami. Ok. Merci. Donc c'est des plantes qui poussent dans son jardin. Avec les plantes là, elle fait du sirop. Et moi, j'utilise le sirop pour faire des oignons confits qu'on met dans les burgers ou dans d'autres choses. Wesh. Et donc aujourd'hui, c'est ce produit-là. C'est sympa, c'est marrant, ça sent le cola. Voilà. C'est sympa, c'est marrant, ça sent le cola. Écoute. gros bisous. Gros bisous à Tata Nat. Et puis merci pour ta soupe. Elle déchire grave. Surtout, ne change rien. Eh bien, auditeurs, cette émission sera rediffusée ce jeudi à midi. Elle sera également présente sur nos réseaux dès demain en podcast avec toutes les informations pour retrouver cet équipage incroyable qui va partir dans une expérience inoubliable, je suppose. Je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Guémozo. Je t'embrasse, prends bien soin de toi, prends bien soin des autres. Et puis, un gros bisou à tous les trois. Hein. Et puis, bon appétit. Ciao. Super, merci. Ciao. I can't hold it.